On fait des projets pour demain, sans penser à la semaine prochaine. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, loin d'être carré pour une grosse scène. Mais on appréhende les événements au jour le jour. Et si le rap nous distribue des cartes pour une partie, je te jure on joue. En équipe y'en a toujours un pour assurer les arrières. Aujourd'hui t'es un lion alors t'étais les arrières. Chacun son tour comme un week-end à l'hôpital, on est d'astreinte. Tout le monde court même si on sait qu'on pourra pas monter dans ce train. C'est une caisse claire, quand je fais le bilan, ça fait des vagues, je ressens le malaise. Si l'homme mystère là c'est le binôme, entends la vibe, rien son malo. Au jour le jour c'est le mode de vie, on fait des vœux tout tombe à l'eau. S'encourager c'est notre devise, t'as fait des heures et sans le bras long. Aucun moyen ni relation, nos propres souffles faut qu'on allonge. Ça fait plaisir, à chaque voyage une connexion, de voir que notre rap ressemble à l'autre. Vas-y pousse les décibels, ce n'est pas qu'un simple disque. La motif se décime d'elle, écoute les enceintes le disent. Au jour le jour je vois d'ici le terme, c'est ainsi qu'on avance. Le rituel calife mystère, n'écoute pas ce que les connards pensent. On essaye de faire un truc, entre la poisse les coups du sang. Le reste on calcule même plus, on est sur Cubase tous les soirs. Si tu te rentres dans ta fierté, la vérité faut que tu les sors. Nous personne vient nous aider, mais il reste encore l'espoir. Pour l'instant à Rennes, j'ai jamais chanté Marie Mopine. Sinon scratch, je fais des rêves qui peuvent choquer Marie Popine. Pour l'équipe, la famille et notre future progéniture, on en sortira que plus fort si aucun de nos projets nous tue. Approcher les thunes, non, c'est pas le but de la story. On cherche pas à faire un tube, mais on opère le beat au bistouri. Et si ça pète tant mieux, sinon ce sera les Grecs à chrome. Bah ouais la vie, c'est galère, comme faire Marseille la crête en crawl. Au jour le jour jusqu'à périr, car dans l'esprit un sac de nœuds. Avec l'alcool on se voit pourrir, et plus personne veut croire en nous. Donc c'est pour être j'parle aux étoiles, quand la tristesse fait des remous. Juste barrer ou hausser le ton, même si mes cesses fait d'un ou non. La lassitude s'imprègne sur le caractère, alors je redonne un air à nous. J'empoigne le mic et cœur ouvert, au jour le jour car au nocturne. Vas-y pousse les décibels, ce n'est pas qu'un simple disque. La motif se décime d'elle, écoute les enceintes le disent. Au jour le jour je vois d'ici le terme, c'est ainsi qu'on avance. Le rituel calife mystère, n'écoute pas ce que les connards pensent. On essaye de faire un truc, entre la poisse les coups du sang. Le reste on calcule même plus, on est sur Cubase tous les soirs. Si tu trembles dans ta fierté, la vérité faut que tu les sors. Nous personne vient nous aider, mais il reste encore l'espoir. Si tu lis entre ces lignes et que tu les assimiles, ouvre le coffre, SMKS, les pioches dedans, y'en a 6000, on a si mal, des fois, et ça nous rend sénile de voir que le rap est en club parce que des bouffes, on a ses mines. Là, c'est même le summum, ça mord pour des semors, et ça mène à la mort de la thérapie sonore. Mec, si thérapie de sans l'or, pourquoi avec tu ralentis? Avant que le son fasse son salaire, tu rigolais, maintenant tu ralentis. Parce que le futur, on connaît pas, au jour le jour, profite à fond, la chance nous fuit, la comète passe. Toujours j'échoue, donc je me renforce, rien à foutre, moi qu'on m'aide pas. La peur de l'échec, c'est ce qui me renferme. J'ai rien d'un fou, je m'évade un peu. Et puis j'avoue que je pense qu'à tailler. L'écart se creuse, moi comme Cermi, j'ai pas taillé. Je regrette les stupes, ainsi que les portes du terrain vert. Sans s'emballer, on fait notre truc. Au jour, le doute me renverse. Vas-y, pousse les décibels, ce n'est pas qu'un simple disque. La motif se décime d'elle, écoute les enceintes le disent. Au jour, je vois d'ici le terme, c'est ainsi qu'on avance. Le rituel calife mystère, n'écoute pas ce que les connards pensent. On essaye de faire un truc, entre la poisse, les coups du sang. Le reste, on calcule même plus, on est sur Cubase tous les soirs. Si tu trembles dans ta fierté, la vérité, faut que tu les sors. Nous, personne vient nous aider, mais il reste encore l'espoir. Vas-y.